ce visage d'un autre âge, les traces de la vie qui passe, les traces d'une jeunesse qui s'efface, tant de souvenirs qui refont surface. Suis-je encore ici bien à ma place? Dans la maison de sa jeunesse, elle prend son temps, elle paraisse, elle relit ses vieux poèmes, toutes les lettres d'une vie ancienne, quelques larmes lui viennent au coin des yeux. Pleurer est-il interdit pour les vieux? Elle tourne, tourne, comme un manège, comme une feuille. L'histoire d'avant, l'histoire du temps qui s'enfuit, qui s'oublie. Elle retrouve son sourire, ses rires d'enfant, un parfum de mélancolie, quelques idées, quelques années. Une vie bien remplie, des enfants, un mari, vivre seul à la fin de sa vie. Pourquoi les hommes sont-ils si fragiles? Partir ensemble, elle a toujours espéré. Mais la guerre ne lui a pas laissé décider. Je sais, dit-elle, que la mort, c'est le dernier des voyages. Ça la rassure de savoir qu'il n'y a pas besoin de bagages. Elle attend l'heure comme une évidence, mais pourvu qu'il n'y ait quand même pas trop d'avance. Elle tourne, tourne, comme un manège, comme une feuille. L'histoire d'avant, l'histoire du temps qui s'enfuit, qui s'oublie. Elle retrouve son sourire, ses rires d'enfant, un parfum de mélancolie, quelques idées, quelques années. Manège comme une feuille, l'histoire d'avant, l'histoire du temps qui s'enfuit, qui s'oublie.